Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, les nouvelles aventures des chimpanzés de l'espace. Am, Luna et Titan sont de retour. Cette fois, leur entraînement a été sans faille. Ce sont les meilleurs des meilleurs. Ils sont enfin prêts à repartir en mission. Oui, mais la fusée est partie sans eux. Seul, le jeune Comet se retrouve désemparé à bord de la navette spatiale. Comment Am et ses amis parviendront-ils à secourir ce jeune Comet, alors même que Zartog envahit la Terre ? Après avoir conquis l'espace, après avoir parcouru des millions d'années-lumière au péril de leur vie, ils sont prêts pour une nouvelle mission. On va brûler du kérosène, poupée. Tu te rappelles comment on s'en sert ? Tu veux rire ? Je m'en sors pas si mal. Non ! 5, 4, ordinateur de bord, non ! 2, centre de contrôle, Houston ! Je vais décoller ! Décollage. Comet a décollé. Il a quoi ? Il faut joindre Comet sans attendre. Vous en faites pas, c'est génial ici. Je vais tous vous réduire dans le néant. Est-ce que quelqu'un le comprend ? Peut-être qu'il parle le langage universel de la danse super cool. Les chimpanzés de l'espace 2. Un DVD M6 vidéo.